Parce que l'astral, on l'a dans le plan psychologique. Mais la matière, c'est astral. C'est de l'astral, la matière, c'est de la mémoire. Ça garde la forme dans le temps. C'est la mémoire. Donc, on a différentes strates d'astral. On a l'astral physique, l'astral vital, l'astral psychologique et l'astral mental. Et lorsque nous parlons de l'astral, en gros, nous parlons évidemment du plan psychologique. Mais on ne peut pas détruire le plan psychologique. On va devoir détruire, par contre, les liens qui unissent l'homme, l'homme réel, à ce plan psychologique, à ce plan de l'astral. Ces liens devront être coupés par l'homme. Ils devront être vraiment pourfendus par l'homme de façon à ce que lui fabrique, place en ordre de nouveaux liens et à ce que lui puisse avoir, à un moment donné, une autorité dans ce plan. Et cette autorité, il va la développer par différents mécanismes que nous allons justement retoucher la semaine prochaine justement sur les mécanismes. Toute la série sur les corps, ok. Exactement. Merci beaucoup, Daniel, merci. Avant de quitter la salle, là, j'ai une petite information, c'est pas grand-chose, mais c'est intéressant. À partir de la semaine prochaine, on a demandé à Daniel Kem de venir animer l'émission de Roger Drolette, Le Sommeil Interdit, tous les jeudis soirs, donc probablement de 11h à 4h du matin ou de minuit à 5h, parce qu'ils sont en changement d'heure, là. Donc ça sera tous les jeudis en compagnie de Daniel Kem. L'émission de Roger Drolette, ça c'est sur CKVL. C'est 850 AM. Et je passerai les mercredis soirs pour une demi-heure, certainement vers les minuit et demi, je ne sais pas. Ça va se préciser, pour faire un compte-rendu des activités du centre, ce qui s'est passé lors du dernier symposium, ce qu'on projette pour le prochain, les conférences, toutes nos activités ici. Alors, je vous rappelle également que les billets sont maintenant disponibles pour la prochaine conférence de Daniel. À l'achat du billet, vous avez la cassette de cette première partie gratuitement. Et qu'il va y avoir un prochain symposium, donc le dernier dimanche du mois de septembre, qui aura trait au mécanisme de la guérison intelligente.